sur le canapé, les gens vont dire encore un truc qui fait pas rire. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pire. Je peux plus rire sur plein de choses, parce qu'il y a trop de choses avec lesquelles je pourrais jamais être en osmose. Vêtements loc, habitude assis sur un trottoir. Autour c'est l'opulence, y'a quelque chose qu'on devrait pas voir. Mais je baisse les yeux, sans y croire, je me dis que demain sera mieux. Tu crois que ça me fait rire, les frères d'avant qui se tapent des shoots. Quand l'existence au quotidien, frère, devient une joute. Mais crois qu'on voit rien, hein, tout a une fin. Je rigolerai quand la vie sera une pub pour la récorer. Trop de gens se gavent, les autres doivent picorer. Et même des cons, décorer. La pas du gain, c'est pas qu'on enrôle, c'est xyte et rosé. Gosses ont plus de plomb dans le sac que dans la tête et qui se gossent les. Même qui changent les bras de dame nature en petites coupures, remplissent la merde, merde. Laisse l'humain dormir dans les sordures. Stap de belles voitures, sommeil sous un ciel de nuit. Ailleurs tout est gris, pas de répit. La nuit, les ennuis nuisent aussi. Quand les murs tiendront sans les mecs, en quête de manette, serpette dans la poche arrière quand même au cas où ça pète. Quand ce sera plus les mêmes sur le temps de touche, quand on cessera de toucher sur les affaires des autres, les nôtres sont louches, quelqu'un veut prendre de douche dans cette putain de pierre. Arrêtera ses murmures, témoin de trop de coups durs, meilleur ennemi de beaucoup d'hommes, toujours là quand l'esprit fissure. Quand on aura compris que les mots c'est mieux que les crosses, qu'on meurt tous qu'une fois, bordel qu'un os est un os parce que c'est tout ce qu'il restera. Le temps se gâte, ça date pas d'hier. Je rigolerai quand les pattes cesseront de fermer des paupières, mouiller les yeux des mères, les plus gros voleurs finissent rassasiés. En bas les quignes, on guette les malnés. Tu crois que ça fait rigoler? Franchement, tu crois que ça fait rigoler? Tu veux rire? Je peux pas rire quand je pense au quartier. Sourire, autant la cité, c'était mon avenir. Mélancolie d'une vie se mélange sentiment à sentiment. Encore. Tu rigoles moins parce que tu dis purée, ils pensent autrement. Mais tout est cyclique, rien ne dure éternellement. Ouais. Notre formation l'a fait t'entraînant assis sur des bancs. J'ai vu des hommes battre des femmes qu'ils disaient aimer. Des pères voler l'innocence à des vies qu'ils avaient donné. Mais elles rient quand même. Plus tard, leur corps outil de travail deviennent. Tu peux pas rire, même pas réfléchir. La vie te nargue. Y'a la tif, tout est relatif. J'crois en la vérité, mais j'suis pas naïf. Parce que des fois, même quand tu crois, tu peux pas t'en sortir. Pire, ici c'est rarement les bons qui gagnent. Mais quand même, je me drape de l'amour des miens, comme d'un bagne. Restez assis, tu peux t'asseoir dessus. Y'a trop de trésors gâchés, de morts cachés, de coups tordus, de mecs prêts à te marcher dessus. Dessous les sangs, le sous-su. Ces tripes de pistoles finissent au sol pour renaître. S'ils sont chanceux dans un chou, je rigolerai quand les miens sont immortels. Quand on coupera les ailes au con pour qu'il n'y ait pas d'escadron. Je rigolerai quand le rêve sera réel, quand la raison, elle, aura repris ses droits. Tu auras un toit sur chaque tête. Ouais. Peut-être que je rigolerai à ce moment. T'as du mal dans le cœur, de la taille d'un grain de riz. Donc fais fi, tu ne pourras jamais être la risée de tes ennemis. Je ris pas parce que mon existence y prête pas. Non. Mais je toucherai le ciel, Inch'Allah.